This is a Cinema Geeks production. Schizophrène, j'entends des voix, me rappeler mes défauts, c'est ta faute. Me disaient mes darons plus que des fois. La qualité en moi est pas dans un bullshit. Je m'en bats les couilles de vos modes, de vos sacs Gucci. Adolescent, j'ai dû monter mon bis pour me payer. Défringuer le collal qui me permettait d'étayer. Une vie où les larmes tombaient en bas comme moi de haut. L'absence d'un père, ça reste présent, demande à Dono. Le monde est à nous, encore faut-il le comprendre. La bêtise étant vous, je le constate, c'est constant. Des talents gâchés, ils ont perdu la flamme. En même temps, c'est dur de gagner en ayant la flemme. Moi comme le soleil, je veux briller au zénith. Alors là, je m'entraîne, mais je vois que le succès hésite. Le cas au Mike, je ne crois pas qu'on vive dans le même monde. Je te parle de Philippe Maurice, quand toi, tu te branles sur Belle Blonde. Quand je pense à ce qui m'a fait mal, à ce qui m'a fait de l'ombre, à ce qui m'a fait de l'ombre. Still I hear you calling me. Mais j'entends ces voix qui m'appellent et me rappellent qu'il faut croire en moi, qu'il faut croire en moi. Tomorrow's production available in today's London. Upgrade your sounds today. This is a Cinema Geeks production.